dans la rue, méfie pas des plus gros mais des plus maigres. J'observe des trucs soft dans ma discographie. Ça fait déjà le troisième doigt dressé dans l'échographie. Tu peux pas faire 05, tu peux pas faire Ricardi, tu peux pas faire Alayadi, tu peux pas. De cette page blanche, c'est la merde dans ma tête, man. Comme quand je veux fumer un pet et qu'il y a pas de temps. Y'a pas de temps, c'est pas que je traîne tard dans les parcs. Et repars en état d'ivresse, du marécage dans les cases, man. Le vice me castagne, le collal casse ma tête. Passe la taille, c'est dans mon caractère. Je veux réussir dans l'économie parallèle. Peser même si je suis pas balèze, vendre ma musique et plus du caramel. Important de connaître tous les paramètres, éviter de passer par la neige ou devenir fou à jeter par la fenêtre. On rappe à la chaîne étant conscient que ça remplit pas l'assiette. C'est un 2-0-5, nombreux sont les adeptes de la sec. Fume de la crème, je traîne toujours aux mêmes adresses. Moi je cherche à m'infiltrer dans la brèche, mon son dans ta glace. Éviter les trous de balle et ramener beaucoup de pailles. Surtout pas retrouver devant la barre qu'on me juge coupable. Les poissons dorment sous la roche, les chats t'attaquent à la gorge. Les vampires se cachent du soleil, les aiguilles s'attachent à tes poches. J'ai fait l'école du basket, pourtant j'ai sorti les bonnes notes. Le foin ça cloche, l'horloge n'a pas le rythme. Les journées se bricolent. Mes poches sont vides, man. Il est temps de faire du fric. C'est ce que mes proches me disent. Mon docteur devine que je tisse trop et qu'il faut que je pose le split. Ça cause de bitch, zinc. Ça mène une drôle de vie quand c'est la merde, ouais. Rien que ça roule des sbires microscopiques. Passe-moi une œuf, un carton à gauche. Moi, je suis en manque d'espace vert. Ça boit les bières des labrins, les graffitis collent aux semaines. Un mur douce par une partner. Ça se promène au-dessus des lois. Qui sert à la tête, il y en qui laisse aucune trace dans les tiroirs. Mais rien à battre du 31. Je traîne que sur mon territoire. Une résolution annuelle, trop de brouillard sur ma trajectoire. Tape des cascades sur des espoirs. Des cercles, les salles de classe. Un dé dans un cigare, on a la tête dans un manga. Marécage, tricks. Des chauffards sur bicyclable. Quelques gouttes dans le récipient. La peinture pour les bicyclettes. Un sac penchant pour les substances. J'ai pas la fièvre du week-end. Briquette dans mon coin. Y'a des couteaux dans le corps adverse. Les commandes dans un pot de pêche. La coke traîne dans les poches. J'ai les gorges pas en discothèque. J'suis pas élégant. Moi j'écoute la nuit. Toujours sur mes gardes. Un nuage comme ange gardien. Quand les choses s'aggravent, t'inquiète, on me prévient. On sait très bien tout ce qu'on a à faire. On fonce vu ce qu'il y a à perdre. S'enfonce dans les mêmes spirales à terme. Puis l'esprit à la fête. Fan dans les boîtes crâniennes. Le foie devient une citerne. Les vapeurs sont motivés, les tocs fusent dans les artères. Un dé qui martèle, tourne des wash qui te laisse sur le parquet. L'été dans les parcs, l'hiver en studio dans les parcs. Ça suit les traces du garagiste, perd la maille dans les assises. Sans fesses fragilises, les troupes se vendent en plaques ou en pastilles. Peu de sympathie dans les regards, beaucoup sont experts dans les tailles. Presque tous ont quitté les classes pour l'alcool, le toshi et les tailles. Les dérapages à terre à serre, au bourbon pollue l'oxygène. Ici les rejetés de Budapest crèchent dans une coccinelle. Les potes s'énervent pour finir pour un oui ou pour un non. Et pendant ce temps, le crack fait passer le vivant pour un mort. C'est formidable, c'est dead. Les sourires font la grimace. Les pensées dorment dans une taille. Et les revêts brisent la glace.